Ça a coupé, putain! Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Putain, ça coupe aujourd'hui. Alors. Thank you. Ça déconne chez moi, c'est dommage. It's going on and déco. Mais c'est un délai sur l'effet de la guitare. Ah mais là. Sur quoi, la guitare ou sur la voix ?